La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole France de France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Michel Zinc consacre cette année son cours à un roman médiéval, Apollonius de Tyr, qui eut une immense influence non seulement par son intrigue, mais aussi parce que nous avons affaire à un roman qui est à la source de bien d'autres histoires, comme par exemple celle de Tristan et Iseut, ou encore de la pièce de William Shakespeare, Périclès, prince de Tyr. C'est pourquoi l'un des sous-titres du cours de Michel Zinc est « Le roman volé ». Volé, nous disait-il dans son cours d'hier, au sens de la lettre volée d'Edgar Poe, c'est-à-dire qu'il crève les yeux, mais qu'on ne le voit pas. L'autre sous-titre de l'intitulé du cours est « L'inceste révélé », car en effet, il s'agit d'un père, Antiochus, qui, fou d'amour pour sa fille, soumet les prétendants de celle-ci à des énigmes, puis les met à mort. Apollonius, roi de Tyr, résoudra l'énigme qui n'est autre que la révélation de l'amour incestueux entre Antiochus et sa fille. Apollonius, poursuivi par la haine d'Antiochus, s'enfuira à Tyr d'abord, puis à Tarse, puis à Cyrène, où il épousera la fille du roi, avec laquelle il aura lui-même une fille. Mais toutes sortes d'aventures, de fausses morts, de vrais crimes, des tempêtes, des pirates, le mèneront lui aussi au bord de l'inceste, auquel il n'échappera que de justesse. Ce matin, Michel Zinc nous conduira du côté des multiples sources de ce roman et comparera la version de l'histoire que nous connaissons et qui date du XIIe siècle avec la version originale. Deux traits frappent d'emblée. Premier trait, c'est que cette histoire est un rêve de psychanalyste, si je puis dire. Et elle a été largement commenté dans ce sens. Je n'ai d'ailleurs pas été le dernier à succomber à cette facilité dans l'introduction de mon petit livre lorsque j'étais jeune et pharo. Donc, on voit trop tout ce qu'on peut dire, l'inceste commis et l'inceste refoulé, l'association de l'inceste et de l'énigme, la parole révélée, dissimulée, échangée, disant et cachant tout à la fois l'outrage sexuel, cette énigme qui prétend cacher le crime d'Antiochus et lui permettre de garder sa fille, mais cette énigme dont la solution est l'aveu. Donc, cette énigme qui dit et qui cache l'outrage sexuel, mais qui est aussi ailleurs une sorte de substitut de l'acte sexuel permettant de lui échapper. Souvenez-vous de Tarsia avec ses clients et avec son père. Le héros au nom solaire, Apollonius, évoquant Apollon, livré au péril des eaux mortifères, enfoui au sein des eaux dans la cale d'un bateau, tandis que sa femme à l'eau pour sépulcre, leur résurrection, leur remontée à la lumière, à l'un et à l'autre, Apollonius remontant vers le soleil grâce à sa fille et sa femme se vouant au culte de la lune, c'est-à-dire devenant prêtresse de Diane à Éphèse, les échanges d'argent, de blé, Apollonius à Tarse, de filles. Les échanges musicaux, la musique comme équivalent et comme substitut de l'éros, favorisant une sorte d'union dans la jouissance, s'agissant d'Apollonius et de la fille du roi de Cyrène, mais aussi se substituant à l'acte sexuel et capable, comme la parole, d'en détourner la menace, Tarsia, préservant sa virginité grâce à son chant dans le bordel de Mytilène. Et je ne dis rien de tout, enfin d'ailleurs j'ai fait allusion avec le nom même d'Apollonius, de toutes les lectures mythographiques possibles et pertinentes. Alors, évidemment, rien de tout cela n'est à négliger, c'est même un euphémisme de le dire, mais rien de tout cela n'est à négliger d'abord parce que c'est cela qui pique notre curiosité et notre intérêt d'abord. À la lecture du roman ou même en entendant le résumé que j'avais pu faire la dernière fois. C'est cela qui fait que ce roman ne nous paraît ni insipide ni absurde, ou alors que nous sommes comme intrigués et ravis par son absurdité. Mais, vous le savez, et puis c'est un de mes bateaux favoris, il est toujours frappant de voir que les textes du passé nous touchent encore. Et nous sommes toujours aussi frappés par ce miracle qui fait que ce sont justement les textes, ou pas toujours, mais très souvent, ce sont justement les textes qui ont eu le plus de succès jadis, qui continuent à nous toucher le plus aujourd'hui. Et donc, c'est le signe d'une sorte de communion avec le passé, alors même que le passé est si loin, et que, à tant d'égards, il nous échappe. Mais en même temps, et c'est quelque chose que j'avais particulièrement remarqué lorsque je m'étais occupé de la vie des pères et des contes médiévaux, et qui avait été même le point de départ de mon travail, mais c'était en relation avec la spiritualité. En même temps, les auteurs et les lecteurs du passé ne semblent pas toujours avoir été touchés dans ces textes, dans ces histoires, dans ces récits, par la même chose que nous. Ils ne choisissent pas de mettre en valeur ce que nous, spontanément, nous mettrions en valeur. Comme si notre goût était le même, mais pour des raisons différentes. Et d'ailleurs, bien sûr, comment les raisons ne seraient-elles pas différentes ? C'est la persistance du goût qui est surprenante, non le déplacement de l'accent ou la différence des raisons. Ce qui est miraculeux, ce qui est une bénédiction du ciel, c'est que ces textes si anciens nous touchent encore, qu'ils nous instruisent encore, qu'ils nous fassent encore plaisir, et non pas que ce ne soit pas pour les raisons d'autrefois. Et c'est pourquoi nos études sont faites toujours d'un va-et-vient entre l'analyse de notre goût et de notre compréhension des textes anciens d'une part, et d'autre part, la reconstitution érudite du goût et de la compréhension dont ils ont fait l'objet dans le passé. Nous sommes bien obligés de partir de notre propre goût et de notre propre compréhension, de les comprendre qu'ils nous trompent au regard d'une reconstitution du passé, pour nous livrer ensuite à cette reconstitution du passé, mais qui n'a de prix, qui n'a de sens, qui n'a d'intérêt qu'au regard, finalement, de notre goût à nous-mêmes. Et j'ai donc, à l'instant, posé comme un jalon en attente une allusion à l'intérêt actuel et immédiat qu'éveille en nous Apollonius de Tyr, parce que, sans cet intérêt, nous n'aurions que des raisons mortes pour en parler. Mais, si j'ose dire, cet intérêt n'est intéressant que confronté à celui qu'a éveillé l'histoire au long de son histoire, au long des siècles où elle a été lue en continuité avec le moment où elle a été composée, et en même temps, cela nous invite à étudier les ruptures, le moment où, comme nous, mais différemment de nous, on ne la lisait pas dans le sens dans lequel elle avait été écrite. C'est, en fait, c'est ce que on peut appeler une histoire de la réception à laquelle nous sommes invités. Nous sommes invités à nous pencher d'abord sur l'histoire et sur la réception du texte dans l'Antiquité tardive, puis de l'Antiquité tardive au Moyen Âge, et ce n'est pas parce que nous sommes attirés d'abord par ces histoires scabreuses que nous devons nous en dispenser. Et alors, dans cette perspective proprement historique, l'autre trait qui saute aux yeux et que j'avais signalé en terminant mon cours de la dernière fois, c'est l'apparenté générale de l'histoire d'Apollonius de Tyr avec les romans alexandrins et hellénistiques. Les voyages incessants, cette histoire qui est une histoire de voyages et de voyages continuels, est une histoire de déplacement, mais des voyages qui sont circonscrits dans le bassin oriental de la Méditerranée et dont le point occidental extrême, qui paraît vraiment exotique, est Cyrène. Vous allez voir apparaître, enfin au moins pour ceux qui sont, je ne parle pas pour France Culture, là vous allez voir apparaître doucement, à mesure que le rétroprojecteur chauffe, ces voyages, alors bon, ils sont numérotés. Ça, c'est dans l'Historia Apollonii Regis Tyri, et dans les versions médiévales, ces voyages sont quelquefois beaucoup plus compliqués. Vous voyez, des allers-retours perpétuels, vous savez qu'ils sont ponctués presque à chaque fois d'une tempête, et parfois d'un naufrage, vous voyez que on voit très bien ces points extrêmes, Cyrène, la découverte, les épousailles, l'Égypte, la retraite, Mytilène et Éphèse, le point extrême où l'histoire se résout. Et puis, bien des éléments, nous le verrons, renvoient au monde grec. Et cependant, le texte que nous lisons est un texte latin, mais en outre, il s'enracine dans une tradition littéraire purement latine. Et le texte que nous lisons ne peut pas remonter au IIIe siècle de notre ère, nous verrons pourquoi, époque à laquelle renvoient certains de ces éléments, époque qui est celle où le roman alexandrin a brillé de son dernier et de son plus vif éclat. Il ne peut pas être antérieur à la fin du Ve siècle, et la première question qui se pose est donc celle de l'histoire de ce texte et de l'enquête sur ses sources. Et c'est cette question qui va nous occuper d'abord, même si elle exige une mise au point un peu fastidieuse, peu originale, et où je me livrerai à une pure compilation, ou presque pure. Nous verrons d'abord ce qui donne l'impression d'un roman hellénistique et d'une œuvre grecque, puis ce qui dément cette impression. Et enfin, je résumerai le débat des érudits sur le point de savoir si la source du roman latin que nous lisons est grecque ou latine. Et ensuite, je traiterai rapidement de la fortune d'Apollonius de Tyr au Moyen-Âge, avant d'interroger enfin le texte lui-même et ses avatars. Ce que je ferai tout à l'heure directement au séminaire où le cadre est moins formel. Donc, l'impression générale est celle d'un roman hellénistique, où l'action se déroule en Méditerranée orientale, les noms sont grecs, les villes et les lieux mentionnés sont ceux que l'on retrouve dans tous ces romans hellénistiques, la mythologie n'est pas absente, le grand sanctuaire d'Artémis à Éphèse joue un rôle important, et l'action, dans ses grandes lignes, est caractéristique des romans alexandrins. Voyage, naufrage, enlèvement, pirates, amants séparés, virginité menacée, retrouvailles, etc. Et on est ainsi amené à comparer Apollonius de Tyr avec, par exemple, Chéréas et Calliroé, Chariton d'Aphrodise, qui est probablement plus ancien, fin du 1er siècle avant ou début du 1er siècle après Jésus-Christ, avec, et nous verrons que c'est probablement la comparaison la plus parlante, avec les Éphésiaques d'Antia et d'Abrocomès, de Xénophon d'Éphèse, sans doute le milieu du 2e siècle de notre ère, avec, c'est probablement le plus charmant de ses romans, les aventures de Leucippe et de Clitophon, d'Achille Tatius, vers la fin du 2e siècle après Jésus-Christ, avec les Éthiopiques, l'histoire de Théagène et Chariclée, d'Héliodore, mais qui est pas avant le milieu du 3e siècle et qui est le seul de ces romans qui soit probablement postérieur à la version d'origine d'Apollonius de Tyr. Dans le détail, cependant, ces comparaisons ne sont pas toutes très éclairantes, bien qu'on puisse évidemment toujours trouver des rapprochements de ci, de là. Le seul de ces romans qui est quelques vagues parentés avec Apollonius de Tyr, et encore seulement avec la seconde partie d'Apollonius de Tyr, c'est Les Éphésiaques. Les Éphésiaques, l'histoire d'Antia et d'Abrocomès, de Xénophon d'Éphèse. On retrouve dans les deux œuvres Éphèse, d'où sont originaires les héros du roman de Xénophon, et Xénophon lui-même, Tarse, Tyr, l'Égypte, mais en soi ça n'a rien de bien frappant parce que tous ces lieux apparaissent partout. Dans cette civilisation hellénistique, ce sont les villes de cette civilisation et dans toute œuvre, on les trouve mentionnées. Par exemple, Alexandrie et Tyr, on les trouve chez Achille Tatius, enfin, le héros est de Tyr. Lesbos, dont Mytilène ou Apollonius retrouve sa fille, est la capitale. Lesbos est le cadre de Daphnis et Chloé de Longus, deuxième siècle aussi, mais Daphné, la pastorale de Daphné et Chloé n'a rien à voir avec notre roman. Un peu plus remarquable peut-être est le fait que les deux très jeunes héros des Éphésiaques se marient dès le début du roman. Le roman s'ouvre en somme sur ce mariage attendrissant de deux adolescents. Et de sorte que leurs aventures maritimes et leur séparation ont lieu après leur mariage. Leur malheur, leur séparation interviennent pour une sorte de voyage de noces sur mer. Et c'est aussi le cas pour Apollonius et la princesse de Cyrène. Enfin, c'est un peu après le voyage de noces, puisque la princesse est sur le point d'accoucher, mais ils sont mariés au moment où ils connaissent des aventures qui les séparent, ce qui n'est pas le cas dans les autres romans, par exemple chez Achille Tatius. Où c'est un enlèvement, n'est-ce pas, et l'autre ensemble. Et autre chose qu'il faut signaler, c'est, et qui rapproche peut-être le plus les deux œuvres, c'est un trait d'ordre stylistique, ce qui ne veut pas dire grand-chose du point de vue de la recherche des sources, puisque Apollonius ne nous est connu que par une rédaction latine tardive, mais c'est quelque chose qui peut avoir, dans le cas d'Apollonius, comme nous le verrons, d'autres implications, et probablement des implications très importantes. C'est pourquoi je le mentionne dès maintenant, d'ailleurs j'y avais fait allusion déjà, les deux romans, les Éphésiaques et Apollonius, tels que nous les lisons, sont nettement plus courts que tous les autres. Et ils donnent l'impression d'être des résumés. Alors ce caractère est beaucoup plus frappant dans le cas d'Apollonius, mais il a moins frappé parce que on n'en attendait pas plus d'une œuvre produite par l'âge barbare de la latinité. Ben que Apollonius de Tyr soit écrit de façon sèche, on a dit bien sûr, c'est un roman, une œuvre très tardive. Dans le cas des Éphésiaques, ce trait a paru très choquant aux savants qui s'en sont occupés. Et c'est même la raison que donne, d'une raison à mon avis tout à fait spécieuse, enfin je ne sais pas quelle était sa vraie raison, peut-être qu'il en avait assez ou simplement qu'il n'aimait pas le roman parce que c'était un homme de foucades et d'humeur, mais enfin c'est la raison que donne Pierre Grimal pour exclure les Éphésiaques de son anthologie des romans grecs et latins dans la collection de la Pléiade. Et pourtant, si les Éphésiaques sont écrits par moments comme un résumé, ils ne sont pas constamment ni également. Le début du récit paraît suivre un cours normal. Mais il est vrai que si l'on compare Xénophon d'Éphèse au styliste brillant, au conteur habile, extraordinairement subtil, extraordinairement prolixe qu'est Achille Tatius, dont le héros Clitophon, je disais, est originaire de Tyr et se retrouve en Égypte après ses premiers malheurs, si on fait cette comparaison, le contraste est saisissant. Et si l'on suppose un our Apollonius, un Apollonius d'origine hellénistique, sa manière devait être plus proche de celle de Xénophon d'Éphèse que de celle d'Achille Tatius. Alors, voyez, là, vous me direz, j'aurais dû être plus bref là-dessus et je m'égare, mais mon propos est de montrer ces liens entre Apollonius de Tyr et les romans grecs pour mettre en évidence le paradoxe. C'est comme dans les bonnes dissertations, il faut toujours qu'il y ait un paradoxe dans l'introduction. Enfin, quelle est la porie du sujet bon. Eh bien, pour mettre en évidence le paradoxe qui est le succès d'Apollonius de Tyr au Moyen-Âge, alors que son ancrage est dans un monde que le Moyen-Âge occidental avait pratiquement oublié. Autant l'Antiquité latine lui était encore proche, autant l'Antiquité grecque était lointaine. Et surtout, cette antiquité grecque-romanesque, cette antiquité tardive, presque quotidienne, là, qui disparaît, dont la chair disparaît du squelette d'antiquité classique dont le souvenir est conservé à travers les lettres latines. Et encore, les romans ne sont pas les seules œuvres de l'époque hellénistique dont on puisse rapprocher Apollonius de Tyr. Et le premier rapprochement qui vient même à l'esprit, à cause de l'homonymie des héros, à cause de l'effet allitératif de leur ville d'origine, c'est la vie d'Apollonius de Tyane. La vie d'Apollonius de Tyane, écrite vers 200, donc la date correspond très bien, pour l'impératrice Julia Domna, par Philostrate, qui l'insère dans ses vies des sophistes. Ce n'est en fait qu'un chapitre des vies des sophistes, mais un chapitre tellement plus long que les autres, tellement plus important, que ça a été considéré, et ça a souvent survécu comme œuvre indépendante. Vous savez que la vie d'Apollonius de Tyane, qui se veut et qui est en partie un ouvrage historique fondé sur des sources antérieures, cette vie d'Apollonius de Tyane est une longue biographie d'un personnage étrange, un ascète, un sage, un thaumaturge, à la philosophie néo-pythagoricienne teintée d'une sorte de mysticisme oriental. Et alors, c'est un grand homme qu'on suit depuis sa plus tendre enfance, mais dès sa plus tendre enfance, c'est un grand homme à la sagesse sentencieuse, qui, donc, depuis son plus jeune âge, sait tout, a réponse à tout, tranche de tout, a raison sur tout, dont tout le monde reconnaît la supériorité. C'est un personnage profondément horripilant, Apollonius de Tyane. Vous me direz... Après tout, c'est comme notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, il est accueilli partout, vraiment avec le plus grand respect. Ben alors, c'est un ascète, n'est-ce pas ? Mais on lui envoie des limousines chaque fois qu'il arrive quelque part, de sorte que c'est un ascète par choix, n'est-ce pas ? Il pose son coussin clouté sur le coussin de la limousine, si je puis dire. Enfin, tout ça est métaphorique, naturellement. Enfin bref, c'est un homme qui, détaché des contingences, parcourt le monde sans trêve, comme un voyageur sans bagage, comme un vagabond, mais lorsqu'il est arrêté par la police des frontières, il ne manque pas de confondre le commissaire de police ou le commandant du détachement militaire et de devenir en un tournement conseiller du roi du pays qui se laisse ensuite faire la morale avec déférence. Et puis ça continue comme ça, c'est très très long. Et d'ailleurs, c'est un ouvrage, enfin, où j'en parle avec des effets faciles et sottement, mais c'est un ouvrage qui ne manque pas d'intérêt en réalité. Et les rapports, c'est le moins qu'on puisse dire, et les rapports avec l'histoire d'Apollonius de Tyr ne se limitent pas en réalité à l'homonymie des deux personnages et à la littération tyrtiane. Ainsi, par exemple, Apollonius de Tyane révèle l'inceste d'un habitant de Cilicie avec sa fille. Il reproche à Domitien ses relations incestueuses avec sa nièce. Donc, il sauve la Pamphylie de la famine. Les habitants de Tarse, juste avant la ville de Tarse, le révèrent comme le second fondateur de la ville dont il plaide victorieusement la cause devant l'empereur Titus. Alors, ces coïncidences, en fait, sont peu de choses au regard de cet ouvrage immense et touffu qu'est celui de Philostrate, et ils ne suffisent pas à établir un lien entre deux œuvres si différentes par l'ampleur, par l'esprit, par l'ambition. Il est évident que la vie d'Apollonius de Tyane se veut une sorte d'initiation philosophique, religieuse, d'œuvre presque messianique, et que notre petite histoire d'Apollonius de Tyr n'a pas les mêmes ambitions. Mais on ne peut pas exclure que l'auteur du premier Apollonius de Tyr, de l'Apollonius de Tyr d'origine, qui écrivait sans doute son ouvrage quelques décennies seulement après que Philostrate avait composé le sien, il n'est pas impossible qu'il s'en soit souvenu et que l'identité des deux noms, comme la parenté des deux villes, ne soit pas le fruit du hasard, ce qui suggérerait, dans le cas d'Apollonius de Tyr, une ambition beaucoup plus grande que celle qui apparaît à la lecture de l'ouvrage qui nous est parvenu. Apollonius de Tyr aurait ainsi des liens non seulement avec les romans hellénistiques d'aventure et d'amour, mais aussi avec la littérature didactique en langue grecque de la même époque, avec la littérature philosophique et religieuse en langue grecque, comme la vie d'Apollonius de Tyane, mais aussi avec la littérature chrétienne. Et le lien entre Apollonius de Tyr et le christianisme est un lien qui a été beaucoup étudié, qui fait difficulté, parce que non seulement bon, la mythologie est présente dans toute la littérature chrétienne du Moyen-Âge, ça ce n'est pas grave si je puis dire, mais le paganisme joue un rôle crucial puisque la femme d'Apollonius devient prêtresse de Diane, et puisqu'Apollonius va faire ses dévotions au temple de Diane. Alors on a dit, mais enfin j'anticipe sur ce que nous verrons un peu plus tard, on a dit pendant très longtemps que la christianisation qui est patente dans l'ouvrage que nous lisons est une sorte de couche ultérieure, un vernis ultérieur appliqué sur un ouvrage païen. Et on a montré depuis que le christianisme fait partie intégrante du roman tel que nous le lisons. Remonte-t-il à l'ouvrage du IIIe siècle? Ce n'est pas absolument sûr, ce n'est pas absolument exclu. En tout cas, le lien entre Apollonius de Tyr et la littérature chrétienne de l'Église primitive est beaucoup plus étroit que on a eu tendance à le dire pendant longtemps. Alors ces liens entre Apollonius de Tyr et la littérature chrétienne ont eux aussi été relevés depuis longtemps, n'est-ce pas? Je ne les invente pas. Un lecteur même peu informé de cette littérature ne peut pas ne pas songer à la seconde partie des Actes des Apôtres. Je parle des Actes des Apôtres canoniques, les Actes des Apôtres qui figurent dans le Nouveau Testament. Les voyages et les naufrages en Méditerranée orientale. Vous savez que les Actes des Apôtres se terminent pratiquement sur le naufrage de Paul en route pour Rome. Paul est de Tarse, comme chacun sait. Paul et Barnabas, puis d'autres ensuite, vont en mission à Antioche. Il y a un séjour mouvementé, j'en avais parlé la dernière fois, de Paul et de ses compagnons à Éphèse. Et les habitants d'Éphèse, intéressés dans le maintien du culte d'Artémis, déclenchent une sorte d'émeute populaire contre eux. Mais il y a des rapprochements encore plus nets et plus précis avec certains des Actes des Apôtres apocryphes. Vous savez que il y a un ouvrage de Saint Luc, ou qui déclare avoir été écrit par Luc, qui est intégré dans le Nouveau Testament canonique, mais il existe une quantité d'autres Actes des Apôtres. Et alors quand on lit ces Actes des Apôtres, généralement en grec, il y en a un tout petit peu en latin, eh bien on trouve des épisodes qui nous rappelle notre Apollonius, ou l'inverse. Dans les Actes de Paul, Thécla connaît une suite d'aventures et de malheurs qui la rapproche d'ailleurs des héroïnes des romans hellénistiques. Dans les Actes d'André, Théophila est conduite au bordel, mais ça n'a rien d'original, si j'ose dire, malheureusement, parce que c'est une situation qui réapparaîtra dans de très nombreuses vies de saintes. Les vies de saintes qui, dont une épreuve, ou qui avant leur martyre sont conduites dans un lupanar, les saints, ces saintes sont nombreuses. Agathe, Agnès, Denise, Sérapia, Théodora, enfin bon, une véritable litanie, n'est-ce pas, si on devait les invoquer toutes. Mais dans le cas de ces vies de saintes, il s'agit tout aussi bien de textes latins, et ça ne signale nullement un enracinement grec. Et la diffusion du christianisme dans l'ensemble du monde romain de langue latine ou de langue grecque, la diffusion très rapide, fait que ce n'est pas un argument pour dire que l'original était grec. Il en va de même pour les nombreux rapprochements bibliques qui peuvent, bien entendu, être connus par une traduction latine aussi bien que grecque, et sur lesquels je reviendrai dans une autre perspective. D'ailleurs, dans l'Historia tel que nous la lisons, le roman latin, eh bien, il y a toute une série d'emprunts bibliques, mais qui sont des emprunts à la Bible latine, et d'ailleurs qui peuvent constituer un élément de datation, un terminus a quo, parce que il y a des emprunts, des phrases entières empruntées à la Vulgate de Saint Jérôme, qui était la traduction moderne, la traduction récente à cette époque, qui se substituait peu à peu à la Vetus Latina, à la première traduction latine de la Bible. Plus instructif, peut-être, est une comparaison avec un ouvrage connu sous le nom de Reconnaissance, au pluriel Clémentine, les Reconnaissances Clémentines. Donc, alors, c'est un ouvrage encore, c'est un peu comme Apollonius, c'est un ouvrage dont nous ne connaissons qu'une version latine et une version grecque, mais tardive, du IVe siècle, mais qui remonte à un original grec perdu du IIe ou du IIIe siècle. Et c'est c'est à la fois un ouvrage édifiant et un roman. Et cela raconte les voyages en Méditerranée orientale, toujours le même principe, du jeune Clément, futur évêque de Rome, et ces voyages, il les fait en compagnie de Saint-Pierre. Donc, là encore, ce sont comme des Actes des apôtres apocryphes, ces Reconnaissances clémentines. Il voyage en compagnie de Saint-Pierre à la recherche de sa mère, parce que sa mère, en compagnie de ses deux frères aînés qui sont des jumeaux, a dû fuir les avances de son beau-frère. Bon, c'est compliqué, enfin non, c'est compliqué mais c'est simple, n'est-ce pas? Clément a une mère et deux grands frères jumeaux, et la mère, en emmenant les deux grands frères jumeaux, et pas lui, bon, et s'est enfuie pour échapper là aux propositions déshonnêtes de son beau-frère. Donc, c'est une histoire de séparation et de retrouvailles familiales sur laquelle pèse l'ombre de l'inceste. Et c'est une histoire qui connaîtra également une certaine fortune littéraire au Moyen-Âge, parce que c'est en gros celle d'une chanson de geste romanesque française, très longue d'ailleurs, assez ennuyeuse, qui s'appelle Florence de Rome. L'histoire de Florence de Rome, en gros, c'est ça. Alors, je fais le malin en accumulant les références, et tout ça pour pas grand-chose, parce que il n'y a rien là-dedans, dans tout cela, qui puisse à coup sûr être qualifié de source. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que cette histoire d'Apollonius de Tyre éveille une multitude d'échos familiers renvoyant à la littérature narrative hellénistique, soit profane, soit chrétienne, des trois premiers siècles de notre ère. Cela ne suffit pas pour ancrer avec certitude l'histoire d'Apollonius de Tyre dans les lettres grecques. Ça ne suffit même de loin pas. Donc, parce que non seulement toutes ces œuvres étaient lues en grec par les latins cultivés, Et le monde intellectuel latin est un monde, pas seulement dans la partie orientale de la Méditerranée, mais tout le monde romain est un monde de culture grecque. Mais encore, les romans latins, il y en a, ne sont pas très différents des romans grecs. Et bien souvent, ils ont le monde grec pour cadre, même quand ils ont été écrits en latin. L'exemple le plus connu, ce sont les Métamorphoses d'Apulée. Deuxième siècle de notre ère, donc un roman relativement ancien, dont l'auteur mêle à la philosophie grecque, qu'il connaît très bien, un syncrétisme religieux oriental, et dont l'auteur est séduit précisément par la figure d'Apollonius de Tyane. Donc tout cela, ce sont des éléments, c'est une sorte de fond commun de la culture de cette époque. Alors ça ancre très certainement Apollonius de Tyre dans cette époque, donc deuxième, troisième siècle, et pas plus tard. Mais ça le place dans l'ensemble du... ça ne situe pas spécifiquement dans le monde grec. Et, bien entendu, et à plus forte raison, la même remarque peut être faite s'agissant des souvenirs de la littérature grecque classique qui sont présents dans l'histoire d'Apollonius de Tyre. Eux aussi sont très faciles à répertorier et, au passage, lorsque j'ai résumé l'histoire, ils vous ont évidemment pas échappé. Il n'est pas nécessaire de s'y attarder longtemps, tant ils sont visibles. Le héros naufragé, rejeté nu par la mer sur le rivage d'un pays où vit une ravissante princesse, je l'avais dit en racontant même le roman, tellement on ne peut pas raconter l'épisode sans y penser, rappelle l'arrivée d'Ulysse chez les Phéaciens et sa rencontre avec Nausicaa. Mais là encore, tout le monde connaissait cette scène, naturellement. Le récit est, d'autre part, le récit de la tempête qui cause ce naufrage dans l'Historia Apollonii Regis Tyri est saturé de réminiscences littéraires et même de citations textuelles, d'hexamètres ou de bouts d'hexamètres, mais qui sont des références latines. Évidemment qu'il n'y a pas de vers grec dans le texte latin. Et cette tempête est décrite brièvement, parce qu'encore une fois, l'œuvre est racontée rapidement et ce n'est pas un bien grand écrivain. Mais enfin, il s'est souvenu et il case de ci, de là, des vers ou des bouts de vers de Virgile, la tempête du tout début de l'Énéide, ou d'Ovide. Et d'ailleurs, il le fait, là j'anticipe ça, il le fait si maladroitement que celui qui est intervenu très peu de temps après pour faire une seconde rédaction de l'Historia Apollonii, nous verrons qu'il y a deux rédactions très proches dans le temps, et qui est quelqu'un de plus cultivé, qui corrige les fautes de latin, etc., a supprimé ces citations pratiquement textuelles, probablement en considérant qu'elles choquaient, qu'il y avait une sorte de faute de goût dans un ouvrage qui, pour le reste, est écrit dans un latin extrêmement fautif au regard des normes grammaticales classiques et très éloigné du latin classique, d'avoir brusquement ces vers ou ces bouts de vers très célèbres, trop célèbres, qui trahissent la culture superficielle de l'auteur plus qu'il ne révèle sa culture réelle. Bon, maintenant, y a-t-il des vers que tout le monde connaît, même pas, mais enfin, je ne sais pas si dans un texte écrit dans un français particulièrement relâché, on trouve « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne », mais sans que ça apparaisse comme une citation, comme si il en faisait son bien propre, parce que ça lui évite d'écrire une phrase, eh bien ça ajouterait à la maladresse du texte au lieu de la corriger. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Et puis alors, S'agissant du récit lui-même, les séparations familiales, les retrouvailles, la menace de l'inceste entre personnages qui ignorent leur relation de parenté, ce sont des motifs qui viennent bien de la littérature grecque, ce sont des motifs de la Nouvelle Comédie, mais qui sont passés dans la littérature latine très tôt. C'est quelque chose qu'on trouvait dans La prêtresse de Ménandre, mais la pièce est perdue, qu'on trouvait hors de la comédie dans une tragédie perdue de Ripide, Alcméon de Corinthe. Mais pour trouver vraiment des œuvres que nous connaissons, que nous pouvons lire encore et qui traitent de ces thèmes, nous en avons, enfin pas autant que nous voulons, mais nous en avons plusieurs, mais chez Plaute, en latin, dans les comédies de Plaute qui s'inspirent de la Nouvelle Comédie, dans Rudens, dans Curculio, dans Penulus, etc. Là, on trouve des situations qui sont tout à fait celles d'Apollonius de Tyr. Et enfin, on a tenté évidemment d'ancrer l'histoire d'Apollonius de Tyr dans l'histoire, et dans l'histoire du monde méditerranéen hellénisé. Après tout, Apollonius de Tyr est un personnage historique, d'une certaine façon, alors pourquoi pas Apollonius de Tyr, au péril de nombreuses déformations. Alors, d'une certaine façon, la quête est facile en ce sens que, si on veut une source historique, les Antiochus ne manquent pas. Hein, c'est pas ça qui manque. Mais on a proposé pour modèle Antiochus III, le grand. On a proposé Antiochus IV, Antiochus Épiphane. C'est celui qui apparaît dans la Bible, dans le livre des Maccabées, où il a vraiment le mauvais rôle, ce qui va très bien. Voilà. Et d'autant plus que dans le livre des Maccabées, il y a six personnages qui portent le nom d'Apollonius. Alors on a un méchant Antiochus et six Apollonius. Mais à part cela, malheureusement, aucun des Apollonius du livre des Maccabées n'a le moindre rapport avec Apollonius de Tyr, même en développant des trésors d'imagination et d'ingéniosité, on ne voit pas quelle peut être la relation entre eux. Si l'on veut un modèle historique, le meilleur candidat est Antiochus Ier, dont la passion amoureuse pour sa belle-mère Stratonis était bien connue et a été largement commentée et largement condamnée par les auteurs anciens. Et donc cet amour scandaleux peut à la rigueur être rapproché de celui du roi Antiochus du roman pour sa fille. Et l'éditeur, Georges Kortekas, qui pense que l'original grec de l'Historia a pu être écrit en Syrie, donc précisément dans le royaume séleucide, Kortekas observe en outre qu'Antiochus Ier a plaidé pour une alliance entre la Syrie et Cyrène contre l'Égypte de Ptolémée II, dans cette rivalité constante entre les deux royaumes, et que sa fille Apama a épousé le roi de Cyrène. Bon. Mais rien de tout cela n'est très sûr, rien évidemment ne fournit d'indice quant à la langue l'œuvre originale, et encore une fois, l'abondance même des Antiochus et des Apollonius retire beaucoup de pertinence à la recherche d'une source historique. À partir du moment où il y en a trop, il peut venir à l'esprit d'un auteur, indépendamment même de tout ancrage historique précis, d'appeler ses personnages Antiochus et Apollonius, il y a des Antiochus et des Apollonius partout. Donc, tout cela n'amène pas très loin. Et ainsi, la discussion sur l'origine du roman d'Apollonius de Tyr tel que nous le lisons et sur sa langue originale. Cette discussion ne peut se fonder que sur l'examen précis du texte qui nous est réellement parvenu. Il faut revenir à notre texte latin écrit à la fin du 5e ou au début du 6e siècle, ce texte latin donc bien connu, dont nous avons près de 120 manuscrits, qui nous livrent deux rédactions différentes et souvent contaminées, ce roman dont nous pouvons étudier le texte avec beaucoup de précision. Et c'est à travers ce texte même, et non pas à travers un résumé de l'histoire ou des analogies générales, qu'il faut essayer de découvrir des indices quant à sa source et quant à la langue de cette source. Comme je l'avais dit, je crois, alors non seulement c'est ennuyeux, mais en plus je me répète, jusqu'à l'édition donc Cortecas de 1984, tout le monde s'était plus ou moins rallié à la reconstitution qui avait été proposée par Elimar Kleps en 1899. Un original païen et latin du IIIe siècle. Sur le fait que l'original était latin, tout le monde n'était pas absolument convaincu. Mais le livre de Kleps était si long, si savant, si tranchant, que personne n'osait être ouvertement contre. Voilà. Une révision, sur le fait que l'original était païen, tout le monde était d'accord. Une révision par un auteur chrétien au 5e siècle, et les deux rédactions que nous connaissons, qui avaient commencé à être décelé par l'éditeur du texte à l'époque, Ries, mais qui n'avait pas bien vu. Kleps a bien vu, Ries a réédité en fonction de Kleps. Kleps en était très fier et tout était très bien. Donc ces deux rédactions, qu'on appelle RA et RB, Kleps pensait qu'elles dérivaient l'une et l'autre de la révision du 5e siècle, mais qu'elles étaient indépendantes l'une de l'autre. Donc, un original qui, bon, pour Kleps, est latin et païen au IIIe siècle. Une révision, naturellement toujours latine, chrétienne, au Ve siècle. Et à partir de cette révision, deux adaptations indépendantes, donc la rédaction RA, la rédaction RB, qui, dans quelques manuscrits, sont conservées à l'état pur, si je puis dire, et qui, dans la plupart des manuscrits ultérieurs, sont contaminés, sont mélangés. À cette reconstitution, Cortecas en oppose une autre en se fondant sur deux arguments, qui me paraissent indiscutable et sur les que je rappellerai, là encore une fois je suis doctus cum libro parce que c'est pas de moi, c'est de Cortecas, mais c'est une la démonstration est très belle. Donc il oppose Cortecas à un autre schéma, un original grec du IIIe siècle d'où dérive directement la rédaction RA et la rédaction RB légèrement postérieure est le résultat d'un effort pour corriger RA par un contrôle direct sur l'original grec. C'est-à-dire que il considère que l'original du IIIe siècle est grec. Il considère qu'entre cet original et le texte que nous lisons, il n'y a pas d'intermédiaire. Que le texte que nous lisons est l'adaptation directe de cet original. Et il considère que les rédactions RA et RB ne dérivent pas indépendamment de la même source, mais que RB a l'intention délibérée de corriger RA, mais qu'il connaît lui aussi la source. Donc il réécrit RA en vérifiant sur la source. Alors, je vais reprendre très brièvement ces divers éléments. Là, pour aujourd'hui, je ne traite qu'un point dans les quelques minutes qui nous restent. D'abord, la relation entre RA et RB, les deux rédactions que nous connaissons, et c'est le seul fait tangible dont nous pouvons partir puisque l'original nous est inconnu. Cortecas montre que RB corrige RA dans la forme et sur le fond. Dans la forme, je le disais tout à l'heure, il corrige le latin tardif et relâché de RA de façon à restituer une grammaticalité plus proche de la latinité classique. L'auteur de RB est plus cultivé, plus puriste que l'auteur de RA. Sur le fond, RB est globalement un peu plus court que RA, mais il tend à ajouter des détails qui visent à rendre le récit plus logique, plus cohérent. Il donne un nom, peut-être, probablement repris à l'original grec, il donne un nom à des personnages secondaires anonymes dans RA. Et d'autres de ces corrections sont pour passer sous silence ou pour formuler différemment des détails ou des points qui lui paraissent inconvenants. Exemple de ces modifications, évidemment, je ne peux pas entrer dans le détail parce que sans avoir tous le texte sous les yeux et faire une lecture précise, ce serait vraiment fastidieux, mais des choses très brèves qu'on peut comprendre comme ça. Il précise, c'est un point que nous aurons à commenter, que Apollonius est patrie sue princeps, qu'il est le prince ou un prince de son pays. Alors que R.A. dit seulement que c'est un jeune homme très riche de Tyr. Mais si on dit seulement que c'est un jeune homme très riche de Tyr, il y a des choses qu'on comprend mal ensuite. Sur la question de l'inconvenance, les scrupules de R.B. peuvent être de pudeur. Par exemple, là où, au début, à propos de l'amour désordonné d'Antiochus pour sa fille, R.A. écrit « Cepit eam aliter diligere quam patrem portebam ». Il s'est mis à l'aimer autrement qu'il convenait à un père. Et R.B. dit « Cepit eam plus diligere ». Il s'est mis à l'aimer plus. C'était Éloge du savoir, aujourd'hui le Collège de France avec Michel Zinc, titulaire de la chaire des littératures de la France médiévale. Réalisation Dominique Briffaut, présentation Christine Goémé. Chercheuse. Il y a une certaine intimité qui se crée par la radio. Cultura. Une forme d'intimité finalement. Chères auditrices, écoutez. Il y a une parole qui se déplace, qui change le média. enregistrement. Réfléchir, penser, c'est pas forcément de la prétention ou de l'élitisme. Ça devrait être justement pour reprendre l'expression d'Antoine Garapon, le bien commun. Écoutez, vous êtes sur France Culture. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spéciale. France Culture vous présente le Festival de Marseille du 29 juin au 20 juillet. Un festival qui fête cette année ses 10 ans. 10 ans d'engagement en faveur de la création contemporaine. 10 ans de complicité, d'échange, d'aventures artistiques, chorégraphiques, musicales, théâtrales. À l'affiche de cette nouvelle édition, Jiri Kilian et le Netherlands Dance Theater, l'ensemble Ictus, Anne-Theresa de Kersmaker, Jan Lowers et la Miss Company. Festival de Marseille, du 29 juin au 20 juillet, et sur France Culture, en direct et en public des Arsenaux, lundi 11 juillet pour Tout Arrive, à midi, et les 11 et 12 juillet pour Travaux Publics, à 18h30. France Culture vous offre des places. Vos invitations au 32-30, tapez étoile, puis 23, 34 centimes d'euros la minute. France Culture, partenaire. Le cycle Crémaster, 5 films du plasticien Mathieu Barnet. Nourri d'images ahurissantes, mélange de genres aussi divers que les comédies musicales, le western gothique et les légendes celtiques, le cycle Crémaster traite des différences sexuelles et de la masculinité. Œuvre polymorphe, manifeste coup de poing, 5 films à la fois indépendants et complémentaires. Le cycle Crémaster, en salle le 6 juillet avec France Culture et en collaboration avec le cinéma Utopia d'Avignon pour une nuit Mathieu Barnet, jeudi 14 juillet à 18h. France Culture vous offre des places, vos invitations au 32-30, tapez étoile puis 23, 34 centimes d'euros la minute. France Culture vous présente Le Tour de France en 15 étapes, 15 histoires racontées par Raphaël Geminiani, chaque jour sur France Culture, du 4 au 22 juillet. Moi je me fais pas de mauvais sang, je me fais une mauvais sang, c'est que je vois Anti qui attaque, alors qu'il aurait dû rouler pratiquement, puisque c'était quasiment entendu que... Bon bien, il attaque, et je me retrouve avec tous les tricolores dans la roue, et je suis piégé. Oh, alors là, je suis fou furieux. Et je dis, bah, puis c'est comme ça, je joue mon bateau. Alors je dis à Louison, puis c'est comme ça, vous voulez la guerre, alors maintenant, je vais vous faire la guerre totale. Puisqu'on devait faire la paix, vous voulez la guerre, alors moi je vous fais la guerre. Je roule au fond de Visil à Bordeaux, je monte le col de Porte à fond, et je rattrape Anctil, et je lâche Anctil. Mais j'en ai peut-être fait un peu de trop. Tours et détours dans les aventures des géants de la route qui ont marqué l'histoire mondiale du cyclisme. Stratégie, souvenirs, anecdotes. Et devant, Charlie Gaulle reprend 12 minutes. Les belles histoires de Raphaël Geminiani, le grand fusil. Là, j'ai pleuré. 5 minutes chaque jour, du 4 au 22 juillet à 17h25. Je m'étais rendu compte qu'à 33 ans, je retrouverai jamais plus une occasion comme ça. Je pleurais contre l'âge. Je sentais que c'était fini. Écoutez, vous êtes sur France Culture. France. Chers auditeurs. Cultura. Chers auditeurs. Je suis en écoute de France Culture. Quand je veille, je mets la radio et parfois j'écoute les gens parler. La radio n'est que mouvement. Sa seule voix, la voix. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture. Les chemins de la connaissance poursuivent leur course à travers les champs les plus divers de l'aventure humaine et cela...